Rester dans le sens d'y avoir encore, comme quand on dit il reste un biscuit, ça se dit quedar. Hein? Quedar. Q-U-E-D-A-R. Hein? Dar, c'est donner. Mais quedar, c'est rester. Et rester dans le sens de ne pas partir, c'est quedarse. Quedarse. Littéralement, se rester. Hein? Quedarse. En espagnol, comme en français, Q, U, on prononce que. Mm-hmm. Quedar et non pas quedar. Alors, si vous voulez dire je reste, vous direz. Me quedo. D'accord. Hein? Me quedo. Littéralement, je me reste. Hein? Me quedo. Me quedo. Alors, je ne reste pas ici sera. No me quedo aquí. No me quedo. J'ai pas bien entendu. No me quedo aquí. Très bien. No me quedo aquí. Et combien se dit cuan? Cuánto. Cuánto. Et combien de temps c'est cuánto tiempo. Tiempo c'est le temps. Tiempo. Cuánto tiempo. Combien de temps. Alors, je ne sais pas combien de temps je reste. Va se dire. Je ne sais pas. Nos sabots. Non. Hein? Il y a une forme particulière pour la forme du je. Hein? Vous, hein, vous savez, usted, c'est bien sabe. Mais à la première personne du singulier, donc avec je, hein, pour dire je sais, c'est juste un tout petit. C'est, no sé. Exactement. Hein? C'est ça. C'est. Donc, je ne sais pas. Non, c'est. Alors, je ne sais pas combien de temps je reste. No sé. Combien de temps? Quanto tempo? Le mot pour temps, c'est. C'est encore une fois. Quanto tempo? En espagnol, temps se dit tiempo, hein, avec un i. T-I-E-M-P-O. Tiempo. Ah oui, c'est vrai. Tiempo. D'accord. Hein? Quanto tiempo? Je reste. Littéralement, je me reste. Mais. Quedo? Me quedo, oui. Me quedo, hein? Je me reste. C'est-à-dire, je reste. Donc, no sé cuánto tiempo me quedo. Vous pouvez aussi dire, je ne sais pas combien de temps je vais rester. No sé cuánto tiempo. Je vais rester, c'est-à-dire, je vais me rester. Voy a me quedar? Non. Avec un infinitif, le pronom est accolé à la fin. Donc, on dirait littéralement, je vais rester me. Voy a quedarme? C'est ça. Voy a quedarme. Quedarme. Parce que, avec un infinitif, le pronom est accolé à la fin. Ça s'écrit et ça se dit tout attaché. Alors qu'avec les autres formes du verbe, le pronom vient avant le verbe et s'écrit séparément. Donc, no sé cuánto tiempo voy a me rester, rester me, quedarme. No sé cuánto tiempo voy a quedarme. Comment direz-vous je ne sais pas combien de temps je peux rester. No sé cuánto. Cuánto. Cuánto. D'accord, hein? Cuánto. Cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo je peux rester. Puedo. Redites-le, mais en faisant attention à la syllabe accentuée. Puedo. Puedo, oui. Je peux rester. Puedo. Quedarme. D'accord, hein? Quedarme. Ça s'écrit tout attaché en un seul mot. Quedarme. Me rester, c'est-à-dire rester. Quedarme. Comment direz-vous nous restons? Littéralement, nous restons. Nos quedemos. Ah, le verbe est... Quedar. Quedar. Donc... Nos quedamos. Nos quedamos. Hein? Nous restons. Hein? Nos quedamos. Pour dire nous allons rester ici quelques jours, il faut mettre jour, hein? Día, au pluriel, ce qui donne días. Et quelques, lorsqu'il accompagne un nom masculin, se dit unos. Hein? Uno, c'est un. Et unos, plus d'un, c'est-à-dire quelques. Donc, quelques jours, se dit unos días. Alors, nous allons rester ici quelques jours. Ça se dira... Vamos a, d'accord. Nous allons rester, hein? Là encore, rester, c'est-à-dire nous rester, est à l'infinitif. Donc, le pronom doit être accolé à la fin. Donc, quedarnos. Bien. Vamos a quedarnos. Quedarnos, hein? S'écrit en un seul mot. Quedarnos, nous rester, c'est-à-dire rester. Quelques jours, hein? Plus d'un jour. Unos días. D'accord, hein? Unos días. Vamos a quedarnos unos días. Normalement, les noms qui finissent en a sont féminins, à part quelques exceptions. Día est une de ces exceptions. Hein? C'est el día. C'est pour ça que vous dites buenos días et non pas buenas días. Hein? Donc, buenos días, c'est une exception. Et les noms qui finissent en O sont normalement masculins. Mais là encore, il existe quelques exceptions. Par exemple, la mano, c'est la main. Hein? C'est une exception. Et aussi, les noms qui finissent en ma, hein? Qui sont tous des mots qui viennent du grec. Ce mot-là, ils sont masculins. Hein? Comme leurs équivalents français d'ailleurs. Donc, problème, c'est problema. Ça finit en ma. Et donc, c'est masculin, el problema.